Section 28 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 28. L'adoré, par René Mézeroy. Août 1885. La marée était descendue très loin, et du côté de Croixail, où la demoiselle se dresse au-dessus des roches écroulées, pareille à une étrange idole égyptienne, effritée par les coups de mer, et nous vîmes cette chose hallucinante, tandis que le soleil déclinait et ensanglantait l'océan. C'était à perte de vue, dans le sable vaseux et noirâtre, découvert par le flux. Des milliers et des milliers d'étoiles rouges qui grouillaient, qui paraissaient agoniser lentement, pressées les unes contre les autres. Les lueurs fulgurantes du couchant les noyaient dans un bain de lumière, leur donnaient une apparence fantastique d'astres écrasés et mourant loin du vaste ciel et qui frissonnaient, qui se convulsaient lourdement dans cette boue épaisse comme des oiseaux dont les ailes sont cassées. Nous eûmes alors la sensation triste d'un ciel dévasté par quelque formidable tourmente, d'une nuit où il n'y aurait plus aucune clarté, où tous les yeux d'or qui attirent se seraient fermés, d'un effondrement tragique des constellations au fond de la mer jalouse. L'astre reflétait les mêmes astres, les mêmes lueurs. Et lorsque Sirius apparut encore incertain dans les violettes buées qui se décoloraient, le rire insoucieux de Marthe s'éleva comme pour saluer l'étoile revenue, pour chasser le mauvais rêve dont nous étions hantés. Fin de la section 28, enregistrée par Margot.